On pense que les différences sont juste physiques. Raté, on s'unit par état psychique. On me crade du shit en petit comité. Chaque doigt de ma main droite, c'est une personne sur qui je peux compter. Bien sûr que j'ai l'air énervé, possédé par le chétan. Du calme, c'est juste les stigmates d'un mec de cité. Dans la véracité, de la tête au yep. Tu veux du frais, je te donne un cap. Inquiète-toi pas pour moi, mes fondations sont solides. Une valise de rimes pour rapper, j'attends pas qu'on me valide. Je développe mes vices en temps de crise, que je réalise une fois un spliff dans la matière grise. En état de choc comme la plupart des visionnaires, à l'heure où le peuple est anti-révolutionnaire. Suis-je illuminé ou juste réaliste? Dans les deux cas, ça bouge pas, le constat reste triste. J'rappe sur le fil du rasoir, clairvoyant comme un télépathe. C'est tous ensemble qu'on peut marquer l'histoire, mais là on me prend pour un psychopathe. J'rappe sur le fil du rasoir, clairvoyant comme un télépathe. C'est tous ensemble qu'on peut marquer l'histoire, mais là on me prend pour un psychopathe. J'anticipe en tant que futur ex-lyriciste. Comment paraître ouvert quand t'as un frère raciste? Sur un problème, on coupe les branches mais pas les racines. On est fragile, donc l'état se lèche les babines. On attend un barbu une fois par année. Un personnage fictif qui à mon goût est trop parano. Trop de sujets tabous, aveuglés par la routine. Leur plan est débridé, ils veulent nous mettre à bout. On perd la boussole, lâche plus la console. Dans tout ce désordre, on ne reste que des hommes. Merde, même pour ta fée, j'ai dû quitter ma ville sans regret, car Berk m'a bien accueilli. Pas de concurrent, non, que des collègues de rap. On est à l'BSM, enfoiré, c'est le même combat. Incomparable comme Bibi, un style à part. Si je braque le rap, les gars, je vous laisse ma part. J'rappe sur le fil du rasoir, clairvoyant comme un télépathe. C'est tous ensemble qu'on peut marquer l'histoire, mais là on me prend pour un psychopathe. J'rappe sur le fil du rasoir, clairvoyant comme un télépathe. C'est tous ensemble qu'on peut marquer l'histoire, mais là on me prend pour un psychopathe. J'rappe sur le fil du rasoir, clairvoyant comme un télépathe. C'est tous ensemble qu'on peut marquer l'histoire, mais là on me prend pour un psychopathe.